cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Nabina Muhammad. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'akhadna fi darsina al-madi. Tafsir qawlillahi azza wa jal. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Dans le dars précédent, on a lu l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala du premier verset Alhamdulillah Rabbil Alameen. Fama ma'na hadhihi al-aya, l'explication de cette aya indaman. Alhamdulillah wa ma'bud bi kamal ma'a mahabbati wa ta'zim. هذا شيخ ابن عثيمين أولا ينكسبك الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم سيسا قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين أي سيتصف الله سبحانه وتعالى بصفاته الكاملة توسى بمحبة وتعظيم لماذا؟ لأنه سرب العالمين عز وجل ومعنى الرب قوله عز وجل رب العالمين والخالق والملك و ويبدل كل شيء المدبر نعم الخالق الملك المدبر فالرب c'est celui qui crée, celui qui possède tout et celui qui gère. وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى الخاصة به عز وجل. الحمد لله رب العالمين معنى العالمين ما معنى العالمين الجن والإنس وكل شيء خلق الله نعم أنا أدخل تعبير تفضل كل ما سوى الله تصل عالمين فهناك خالق سبحانه الله عز وجل Et كل ما سوى الله سبحانه وتعالى سمين العالمين الإنس والجن والحيوانات والشمس والقمر والجبال والبحار والأشجار tout ça c'est من المخلوقات et ça s'appelle العالم العالمين. أما قوله عز وجل الرحمن الرحيم فتقدم معنا في البسملة فائدة عظيمة إلى سيدة شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أي أن الله عز وجل أبخي أبواء سيدة أنه رب العالمين عز وجل إلى سيدة سدون سبحانه الرحمن الرحيم والشيخ ابن عثيمين أفاد ماذا؟ تفضل كل أسماء تابعة لهذا الاسم نعم والسؤال لماذا أو سكوا الفائدة أن الله لا ستي اسم الرحمن الرحيم أبخر رب العالمين هذا السؤال تفضل نعم فça montre أن الربوبية ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أرحم الرحيم. Il a créé les عباد. Et il leur a ordonné certaines choses. Il leur a interdit d'autres. Et il mérite l'adoration عز وجل. Tout ça, c'est رحمة للعباد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هكذا قال شيخ ابن عثيمين. مبنية. أي ربوبية الله مبنية على الرحمة الواسعة للخلق والواصلة. Ça c'est important يا جماعة. لأن هذا ça fait monter إيمان الشخص. Et كذلك المؤمن يستفيد من هذا أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده ويريد لهم الخير. لكن بعض الناس ما يريدون إلا الكفر والضلال لأنفسهم. وإلا فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا من باب الرحمة فلهذا قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى il a envoyé le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم من باب الرحمة. هذا فالله سبحانه وتعالى il a créé العباد من باب الرحمة. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين أن الربوبية مبنية على الرحمة. Si on relit الآن les versets, قال عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Ça c'est tout au début de la sourate. Allah il montre أنه c'est le Rabb et il montre que c'est الرحمن الرحيم عز وجل. Et il y aura une faïda عظيمة كذلك avec le troisième verset qu'on va étudier ensemble aujourd'hui بإذن الله عز وجل. La révision, réviser كلام شيخ ابن عثيمين il est سهل, il est مختصر. Aidez-vous du livre. نحن نتعاون, on pose ces questions من باب تعاون. Avec les questions, il y a des fawa'id azim. Voilà, on voit est-ce que vous avez compris Amla. Thanian, peut-être que tu penses que tu as compris et tu réponds et on se corrige. Il y a une erreur. Aidez-vous du livre, le livre à même, quoi. Kadalik, révisez chez vous et restez simple. Les questions, elles sont très simples. Famazalan, la faïda qu'on a citée, c'est la numéro 2. On n'a rien rajouté, min indina ou dans notre livre. Qal jirbun al-Azimim. أن ربوبية الله مبنية على الرحمة. Une phrase toute simple. لكن أحيانا بعض الإخوان يكمبليك لي شوز. فلي ريفيزيون كونسنتريفو سور ألفاظ الشيخ سور تفسير الشيخ رحمة الله عليه. لي مويد. فريستي سامبل. كان فو ريفيزي لو كور ريفيزي معاني الآيات. أون جينيرال شيخ ابن عثيمين يسيت أو ديبا. الحمد لله رب العالمين إلا سيتي. رب العالمين إلا سيتي. الرب. On a posé كذلك cette question. قال الرب هو من اجتمع فيه ثلاث أوصاف. On n'a rien rajouté في الحقيقة. Restez simple et ركزوا على كلام المؤلف رحمة الله عليه. Quand on étudie des livres ensemble, vous avez remarqué que là le توسع. C'est pas من الحكمة de élargir au départ. لأن الآن on pourrait citer كلام الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. كلام الشيخ سعدي. كلام الإمام البغوي، كلام الإمام الطبري، كلام كثير المفسرين، كلام ابن القيم رحمة الله عليه، il est قوي في التفسير، il était قوي جدا رحمة الله عليه. لكن c'est pas من الحكمة au départ. Au départ, nous ce qui nous intéresse c'est comprendre les versets. ثم au fur et à mesure دروس après دروس livre après livre الطالب يتوسع في المعلومات. هذا معناتم quand vous révisez باختصار très simplement en résumé. لأن le but نحن de ces dourous c'est de comprendre الفاتحة. أما الفوائد c'est très simple. إن شاء الله dès que tu auras compris هذا, si tu veux des فوائد tu prends التفاسير المشهورة. Tu commences par تفسير الشيخ سعدي ثم تفسير ابن كثير ثم تفسير ابن القيم أو ما جمع تفسير الإمام الشوكاني الإمام القرطبي et tu verras que tu auras beaucoup de فوائد. Ils vont rajouter. الحمد لله رب العالمين ils vont citer des فوائد كثيرة لكن شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قصده c'était le but de son explication رحمة الله عليه c'était l'اختصار simplifier لأن le but نحن الآن c'est que nous أولا on comprenne et كذلك إخواننا المسلمين qui comprennent هذه السورة. قال رحمة الله عليه قوله تعالى مالك يوم الدين. Troisième verset. Sifatun lillah wa yawm al-din huwa yawm al-qiyam. On a déjà cité هذا كثيرا أن الله عز وجل أولا قال الحمد لله لفظ الجلالة اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. Et tous les noms ils suivent هذا الاسم. فلهذا استفدنا من علمائنا et on a lu certaines paroles أن كثيرا في القرآن الكريم tu as le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ثم tu as des autres noms qui suivent. Et on avait cité cette faïda في قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نفس الشيء الحمد لله il y a le nom d'Allah رب العالمين. Allah c'est qui? C'est رب العالمين عز وجل. كذلك deux autres noms الرحمن الرحيم. Allah c'est qui? C'est الرحمن الرحيم. Troisième verset, Malik Yawmiddin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? C'est Malik Yawmiddin. Et vous avez remarqué que l'afdul jalala, il est majrour. Alhamdulillah. Il est majrour. واضح. لماذا؟ لأن لام الجر ألي دبو الحمد لله. ثم الرحمن الرحيم كذلك مجرور. لماذا؟ لأن السسوي لفظ الجلالة. ففي الإعراب يديز أنه إلي مجرور أنه صفة جبخ منه. فلهذا قول شيخ ابن عثيمين هنا قال الصفة. فالحمد لله لفظ الجلالة إلي مجرور. الرحمن الرحيم مجرور. مالك يوم الدين. Vous avez remarqué que قوله عز وجل مالكي il y a une kasra. Pourquoi? Il y en a, ça suit le premier nom qui est majoré. Tous les autres noms, c'est des awsaf du premier. En d'autres termes, ceux qui n'ont pas étudié Nahur ou Bama Yushkil alayhim, les autres noms, ils décrivent ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Fa maliki yawmiddin, c'est Allah. Ar-Rahman ar-Rahim, c'est Allah. Rabbil alamin, c'est Allah. C'est pour ça que le premier est majrour et tous les autres noms, ils sont majrour kadhalik. Et ils ont le même hukm fi al-i'rab. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen. ويوم الدين هو يوم القيامة. Donc Allah سبحانه وتعالى c'est مالك يوم الدين أي يوم القيامة. C'est lui le malik. هو الذي سيحكم عز وجل بين عباده ويحاسبهم في ذلك اليوم العظيم. Allah jugera بين عباده. Il récompensera certains, il châtiera d'autres, il pardonnera à certains. عز وجل. قال والدين هنا بمعنى الجزاء. لفظ الدين dans la langue arabe il y a plusieurs معاني. Il y a plusieurs définitions pour le mot الدين. هنا الدين c'est بمعنى الجزاء. Ah, la récompense, la rétribution. Il y a des comptes, الحساب et الجزاء. Celui qui a fait du khair, il trouvera du khair. Celui qui a fait du shar, il trouvera du shar. فالله سبحانه وتعالى c'est مالك يوم الدين. أي يوم الحساب, يوم الجزاء. C'est lui le malik, c'est lui qui jugera. Personne ne parlera illa idha sha' Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala décidera de commencer les comptes matasha subhanahu wa ta'ala et il jugera bayna ibadihi subhanahu. Hadha min ma'ani ad-din. Kadhalik on connaît nahnu le mot din. Aïla traduit par la religion. Inna ad-din 'inda Allah al-islam. Sayati ma'na ad-din bi ma'na al-'amal. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق فلا مالك غيره في ذلك اليوم. Ne pas comprendre de ce verset, ou alhamdulillah, personne ne comprend هذا, أن الله c'est pas le مالك des autres jours. الله سبحانه وتعالى c'est رب العالمين. Et juste avant le verset précédent, le premier verset, Alhamdulillah Rabbil Alamin, on a expliqué ma'na Rabbul Alamin. Et Rabb, c'est celui qui a le mulk. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Malik Yawmiddin, c'est Rabbul Alamin, c'est Malikul Jami'a. Et toute la création, c'est min mulkillah. Allah, il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il gère sa création, Azza wa Jalla, comme il veut. Lakin, khussa huna bi Yawmiddin. Pourquoi après avoir cité Azza wa Jal annahu rabbul alamin il a cité annahu malik yawm ad-din li anna yawm ad-din Allah subhanahu wa ta'ala il laissera parler personne illa idha sha Allah subhanahu wa ta'ala il jugera bayna ibadih ça sera yawm al-jaza. Allah, vous avez remarqué que fi ad-dunya ba'd an-nas c'est des moulouk, c'est des rois. Et بعضهم لا يطيعون الله. Allah subhanahu wa ta'ala il les laisse il a ajal musamma, aïe ce jour. Amma ce jour c'est fini l'a'mal, c'est les comptes. Amma Allah subhanahu wa ta'ala c'est malikul jami' da'iman wa abadan. Qala wad-din taratan yuradu bihi al-jaza kama fi hadhihi al-aya wa taratan yuradu bihi al-amal kama fi qawlihi ta'ala lakum dinukum waliyad-din. Huna le mot din dans le verset min surat al-kafirun c'est bima'na al-amal lakum dinukum ay a'malukum wali ad-din ay wali a'mali ay chacun rendra ses comptes par rapport à ses a'mal. Et ça nous montre la richesse de la langue arabe. Un mot et il a beaucoup de ma'ani. Wa yuqal kama tadin tudan aw kama ta'mal tujaza ay kama ta'mal tujaza. Na'am. كما تدين تدان أي كم تفعل الزوطر تفعل فمنطق أن معنى هنا الدين سئ العمل. قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام الدين سفندي سور دي أعمال du cœur, de la langue ou des membres. C'est ça que dit. Lakin, dans notre verset, huna min surat al-Fatiha, maliki yawmiddin, ad-din sabi ma'na al-jaza. Et la rétribution, le jugement, la récompense, Allah, c'est malik de ce jour. Amma fi dunya ba'd an-nas yafun bi mukhalafat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rabbul alamin. C'est malik ha'oula. Lakin il les laisse des hikmah. Vous avez remarqué que ba'd an-nas l'an ils font des masa'ib, du kufr, des mukhalafat, et Allah subhanahu wa ta'ala il les laisse. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال عز وجل الله إلا لاستحكمة أما يوم القيامة سيليكونت plus personne parle ou fait une action إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى سيليكونت c'est fini العمل يوم القيامة أما في الدنيا لا العمل c'est pour ça que الله سبحانه وتعالى il laisse فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أما يوم القيامة لا c'est pour ça que C'est spécifié. هنانه c'est مالك يوم الدين. قال وفي قوله تعالى مالك قراءة سبعية. مالك il y a deux قراءات. مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. La première c'est الألف بعد الميم. Il y a un مد, une prolongation. مالك يوم الدين. C'est la récitation que la plupart des frères récitent. هنا أي رواية حفص. Et une autre qira'a, Maliki Yawmiddin. Et c'est la lecture qui récite huna au Maroc et au Maghreb en général. Qira'at riwayat Warsh. Al-Nahum, ils ne font pas la prolongation, ils disent Maliki Yawmiddin. Les deux qira'a sont sahihas. Qala wal malik akhassu min al malik. Ça c'est une fa'ida fil lugha. Kadhalik, il fait la différence entre la lecture, le sens de Malik et le sens de Malik. قال وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة. Ça montre l'importance de connaître les différentes lectures. لكن من باب الاستفادة من المعاني. لأن هي دي فوائد عظيمة. مثلا هنا مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. Avec la prolongation. قال وهو أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي. لأن من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك عيسى اسم ça arrive à l'échelle de l'Udaymin il donne l'exemple de certains pays comme en Angleterre مثلاً, ils ont une reine et elle gère rien du tout celui qui a le pouvoir c'est un autre بعد الله سبحانه وتعالى لكن هي c'est un nom فقط vous avez compris فمالك Et il ne possède rien. C'est un nom, faqat. Qala, walakin laysa bimalik. Yusamma malikan isman walaysa lahu min at-tadbir shay. Ça arrive dans certains pays. Dans certains pays, il y a un roi ou une reine et ils n'ont aucune fonction. C'est un nom, faqat. Et celui qui dirige le pays, bi'idnillahi azza wa jal, c'est un autre. Qala, wa min an-nas man yakun malikan wa la yakun malikan. كعامة الناس مثلا أنت أخي الكريم tu possèdes des choses ربما tu as un appartement ربما tu as une voiture tu as des livres tu as beaucoup de choses ولله الحمد فمن هذه الناحية tu es un malik et tu possèdes certaines choses ou plutôt tu es un malik malik بالمد et tu possèdes certaines choses لكن tu n'es pas un malik et un roi فيا le roi c'est le malik et il y a le malik celui qui possède Avec les deux lectures, تستفيد أن الله سبحانه وتعالى c'est le malik, c'est رب العالمين, et كذلك c'est le malik, il possède tout. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه, on répète, ومن الناس من يكون مالكا, مالكا ça veut dire qu'il possède certaines choses, ولا يكون مالكا, hey, لكن c'est pas forcément un roi. كعامة الناس, la plupart des gens c'est هكذا, ils ont des choses لكن c'est pas des rois. ولكن الرب عز وجل مالك ملك مالك et ملك les deux سبحانه وتعالى. Et المخلوق même si c'est un ملك c'est un roi et كذلك il possède certaines choses c'est lui qui dirige le pays إلى آخره بإذن الله سبحانه وتعالى ça reste le ملك d'un بشر. Et la différence entre mulk Allah subhanahu wa ta'ala et mulk al-bashar, واضح. لأن الله c'est رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut dans son mulk, il le gère comme il veut. Il n'y a rien qui lui échappe, il sait tout. أما البشر ربما c'est un ملك c'est un roi et il y a des choses qui se passent chez lui, il n'est pas au courant. لماذا؟ لأنه c'est un مخلوق, c'est un بشر. Ça c'est comme toutes les صفات. Allah subhanahu wa ta'ala il a صفات العلم. Et كذلك des êtres humains ont du علم. Les ulama ils ont du علم. لكن c'est incomparable. ليس كمثله شيء. Allah subhanahu wa ta'ala علمه il est parfait, il sait tout, il ignore rien عز وجل. Et le bachar, مهما بلغ من العلم, il a des faiblesses, il oublie, il se trompe, il a akhir. قال شيخ ابن عثيمين الفوائد. من فوائد الآية إثبات ملك الله عز وجل وملكوته يوم الدين أو ملكوته سي إلى معطوف على ما قبله يوم الدين. نعم نستفيد من الآية أن الله سبحانه وتعالى يبسط que ça soit يوم الدين أو que ça soit أفضل. قال لأن في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات والملوك. C'est pour ça que c'est précisé pour يوم الدين, on a dit. وإلا فالله سبحانه وتعالى c'est ملك الجميع, ملك الجميع. Il n'y a rien qui sort de son mulk, subhanah. لكن هنا c'est spécifié يوم الدين لأن شيخ ابن عثيمين l'a précisé أن تتلاشى. تتلاشى أي ça va disparaître. واحد ربما c'est un ملك في الدنيا. Et il avait من المال والقصور والأولاد والتدبير إلى آخره beaucoup de choses. Et يوم القيامة il possède plus rien. لماذا؟ لأنه il est mort على غير طاعة الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة il n'y aura aucune différence entre ce roi et un ضعيف مسكين عبد qui était في الدنيا. Il n'y a aucune différence. Les deux ils seront jugés. Et الملك الحق c'est Allah سبحانه وتعالى. فإن قال قائل أليس الله مالك يوم مالك يوم الدين والدنيا؟ On a répondu à هذا. شيخ ابن عثيمين il a cité ربما واحد il se pose cette question. On dit on récite مالك يوم الدين. Allah سبحانه وتعالى c'est le roi يوم الدين. يوم الدين c'est le jour des comptes. يوم القيامة. واحد il peut se poser la question لكن الله سبحانه وتعالى c'est كذلك مالك الدنيا. مالك الدنيا عز وجل. La réponse, قال فالجواب بلى. Eh bien sûr que Allah c'est مالك يوم الدين et c'est مالك الدنيا. لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم. Et les حكمه Allah سبحانه وتعالى في الدنيا يترك بعض الناس يتصرفون. Tu trouves بعضهم ils ont de l'argent. بعضهم ils ont شيء من المسؤولية أو الملك يعصون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. يا الله سبحانه وتعالى إلا ناس لحكمة. أما يوم القيامة فلا. لهذا إلى سيتي لو فيرسيل لمن الملك اليوم أي ساعة كل ملك aujourd'hui يوم القيامة لا شك أنه سل الله. فلا يجيب أحد personne ne répondra يوم القيامة لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد. Personne ne répondra. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال مالك يوم الدين. أي الملك المخصوص به. قال فيقول تعالى لله الواحد القهار. لله الواحد القهار. أي الله سبحانه وتعالى لونيك القهار. أي celui qui impose ce qu'il veut à qui il veut عز وجل. أي جميع المخلوقات سعباد. Ils sont تحت تصرفاته تحت سلطانه تحت تدبيره عز وجل. قال شيخ ابن عثيمين في الدنيا يظهر ملوك بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم فالشيوعية مثلا لا يرون أن هناك ربا للسماوات والأرض يرون أن الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع وأن ربهم هو رئيسهم. C'est un exemple de هؤلاء المخاذيل الشيوعية الضلالة الكفرة. Les communistes, أنهم يزون عقيدة عيدا بالله أنه يبد رب بل عندهم الرب c'est leur gouverneur, leur ملك. هذا c'est باطل. هؤلاء c'est des ملاحدة. قال ومن فوائد الآية إثبات البعث والجزاء لقوله تعالى مالك يوم الدين. كذلك نستفيد من هذه الآية أن الإنسان sera ressuscité. البعث أي القيام من القبور. C'est ça le ba'ath. chacun il sera ressuscité et il sortira de sa tombe. أو أحرقتهم النار أو أكلتهم الحيتان ça change rien, ils seront ressuscités. Même si واحد il a été brûlé entièrement ou il s'est fait manger par une bête, il sera ressuscité. لأن الله عز وجل قال مالك يوم الدين, ça nous montre qu'il y a un jour des comptes. Et s'il y a un jour des comptes, ça montre que l'ibad ils seront ressuscités. ومنها حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العاملون. Si on récite l'âne, ce verset, on a compris هذه المعاني العظيمة que Cheikh Ibn Uthaymin il a cité, ça va nous donner un fruit عظيم. Quand on récite مالكي يوم الدين, tous les jours, on doit se rappeler de هذا اليوم. أن الدنيا زائلة. On ne doit pas vivre في الدنيا كأن cette dunya elle reste. Là, dunya c'est un passage. أما دار القرار. والخلود في الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير. On doit comprendre هذا. Un groupe il ira في الجنة au paradis éternellement et un autre groupe في النار éternellement. Et bien sûr il y aura des مؤمنون qui rentreront في النار et qui sortiront لأنهم ils sont morts على الإيمان وعلى التوحيد. Tout ça dès qu'on récite ça nous rappelle أن on rendra des comptes un jour. ما بالك الآن si on récite الفاتحة plusieurs fois par jour, 17 fois ou akthar, celui qui fait des nawafil, tous les jours, tu récites probablement une vingtaine de fois, maliki yawmiddin. Et à chaque raka, on doit réciter le fatiha. Ben, si on se rappelle tout le temps, hada, il y aura une faïda azim. Tu vas le réciter au fajr, ça va te rappeler la matinée. Anna, tu fais attention, ad-dunya, tu fais attention au mukhalafat, au ma'asi. Peut-être qu'arrivé un moment, tu vas oublier avec les enfants, avec le travail, avec dunya. Au dhuhr, ça revient. Et man waffaqahu Allah, il fait salat al-duha au milieu de la matinée, il se rappellera. Thumma au dhuhr, un autre rappel. Maliki yawm al-din. Ay, ndabih ayyuha al-abd, al-dunya. Fais attention, tu n'as pas été créé, hakada. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Et cette ibadah, c'est pour préparer hada al-yawm. Thumma, peut-être que l'après-midi tu vas commencer à oublier. Ou asr, ça revient. Thumma al-maghrib, thumma al-isha. Kada celui qui comprend le fa'ida, fiha ibar wa fawa'id azima. Wa min al-fawa'id al-azima. Allati dhakaraha al-allama al-shaykh Salih al-Fawzan, hafidhahullah. Il a cité une fa'ida tayyiba. Wa stafadaha min al-a'imma qabla. Al-imam ibn al-qayyim, rahmatullah alayhi. Kadalik, il a cité cette faïda. Anna, le premier verset, c'est une faïda sur les trois premiers versets. Le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le deuxième, Ar-Rahman Ar-Rahim. Le troisième, Maliki Yawmiddin. C'est une faïda sur ces trois versets. Fata'ammalu. Qala, fal-ayatul oula fiha mahabbatullah. Le premier verset, fihi al-mahabba. On a pris le mahabba min ayn? Ahsant. أن الحمد قال شيخ العثيمين سيأثنى على الله سبحانه وتعالى بالأوصاف الكاملة مع المحبة والتعظيم. Donc quand on dit الحمد لله رب العالمين c'est basé sur le mahabba. Pourquoi on dit الحمد لله et pourquoi on cite les attributs d'Allah سبحانه وتعالى parfait? لأنه on l'aime. C'est obligé d'aimer Allah سبحانه وتعالى, d'aimer ses messagers, d'aimer son din. Quand on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est le mahabba. On aime Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on fait هذا الحمد. Qala, wa thaniya, deuxième verset, Ar-Rahman Ar-Rahim. Fiha Ar-Raja. Ar-Raja, c'est l'espérance. Quand tu récites Ar-Rahman Ar-Rahim, normalement, ton cœur, il doit ressentir Ar-Raja. Limada, l'espoir. Lian Allah, c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc tu espères. Espère, même si tu as fait des péchés, même si tu as fait des fautes, même si tu as eu des manquements, tu as eu des faiblesses, même si tu as fait des choses très graves, Allah c'est Arhamur Rahim. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne tout. Tant que l'insan il est vivant et tant que les portes de tawbah du repentir ne sont pas fermées. Ar-Rahman Ar-Rahim, ça nous pousse, walillahi alhamd, à avoir cet espoir et ne pas désespérer. Troisième verset. Qala wa thalitha fiha al-khawf min iqab Allah qawluhu malik yawmiddin. Le troisième verset, al-khawf. Tu espères, lakin on dépasse pas les limites. لأن الله سبحانه وتعالى c'est malik yawmiddin. L'espoir c'est une chose, lakin ne faire aucun effort et exagérer, ayadam billah, et délaisser le khawf, c'est de l'égarement. Enfin, juste après Raja, un verset qui te rappelle al-khawf. Allah, c'est malik yawmiddin, tu auras des comptes à rendre yawm al-qiyamah. Ça va te pousser à quoi? À avoir peur. Et al-ibada, comme bayyana al-imam ibn al-qayyim, rahmatullah alayhi, elle est fondée sur ces trois arcanes. Al-ibada, elle a besoin de trois choses. C'est comme des piliers. Al-mahabba, quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bi-mahabba. Li-annahu tu-l'aimes, azza wa jal. Thaniyan al-raja, tu l'adores, li-anna t'espères la récompense. Troisième pilier, al-khawf, ta'abuduhu li-annaka t'khaf min iqabihi wa min adabih. Tu l'adores, li-anna t'as peur de te faire châtier. Et tu sais que celui qui adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, il risque de se faire châtier. Ces trois versets, les trois premiers versets de sourate al-Fatiha, فيها فائدة عظيمة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة المحبة والخوف والرجاء فهي أساس العبادة. C'est les piliers, les bases de chaque adoration. وعد الناس وهم الصوفية الضلال. Ils prétendent أنهم ils adorent Allah سبحانه وتعالى بالمحبة فقط. Et ils se sont égarés. Hatta qala qailuhum annahu il adore Allah subhanahu wa ta'ala la khawfan min adhabih wa la raja'an li ma 'inda Allah subhanahu wa ta'ala min al jazaa' min al jannah ila akhir. Ay qala qailuhum wahid minhum il disait annahu il adore Allah subhanahu wa ta'ala pas par peur et pas parce qu'il veut la récompense, il l'adore parce qu'il l'aime faqat. Ça c'est min al inhiraf wa dhalal. Haoula, ils n'ont pas compris le début de sourate al-Fatiha. Haoula, c'est soufi. Un autre groupe, Abdullah subhanahu wa ta'ala, et ils ont penché vers al-Raja. Ils ont délaissé al-Khawf, al-Murji'a. Et cette secte, walillahi alhamd, on l'a étudiée ensemble. Fa'indahum, celui qui fait des péchés, ça ne fait aucun mal à sa foi. Limana li'anna Allah, c'est arhamur rahimin. Et ça, c'est haq, lakin ils ont oublié la suite. قال عز وجل مالك يوم الدين. Il y aura un jour où on rendra des comptes. فكيف tu n'as pas peur de tes péchés يا عبد الله. هؤلاء المرجئه ils se sont égarés من هذا الباب. عندهم الايمان ne descend pas et on a tous le même iman عياذا بالله. Troisième groupe, ils ont exagéré في الخوف الخوارج الضلال كذلك ولله الحمد. On a expliqué ce groupe dans notre درس sur les sectes. انهم tellement qu'ils ont basculé vers le khawf, ils ont désespéré. Enfin, celui qui fait une kabira indahum, enfin, il sort min al-islam. C'est un kafir. Et il perd d'espoir. Fadallou min hadha al-bab. Amma man wuffiqa li al-amal bi hadhihi al-arkan al-thalat, ay chaque ibada qui fait, c'est bi mahabba, khawf, wa raja, fa inshaAllah ta'ala, il sera muwaffaq. Et il trouvera l'adha, un goût, une saveur fait l'ibada. Ba'd al-ulama, il compare al-khawf ou al-raja ka janahay al-tayr. C'est comme deux ailes d'un oiseau. Enfin, l'oiseau, il a besoin de ces deux ailes. Ces deux ailes, pour le moment, c'est al-khawf ou al-raja. Tout ça, bien sûr, fondé sur al-mahabba. Amma, celui qui penche vers al-khawf ou vers al-raja, rabbama, yanharif. Et le mu'min, yastafid min hadha kathiran, annahu si il tombe malade, mathalan, et il est rubama, très gravement malade et la mort elle approche, ça va lui être utile jiddan. Annahu il désespérera pas. S'il a fait des fautes, yatoub ila Allah. Et fi hadha al-hal, il espère. Anna Allah c'est arhamur rahimin. Kadhalik anna l'insan, si il voit que son nefs il commence à faire des choses haram, à regarder des choses haram, à dire des choses haram. Et il le sait. Enfin, مثل هذه الآية مالك يوم الدين سيستفيد منها جدا. Il va se rappeler et ça va le freiner et yardi ila tariq. هكذا المؤمن entre خوف ورجاء et tout ça bien sûr avec mahabba. هذا استفدنا من قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. كلام شيخ الفوزان ذكره في تفسير أو فوائد سورة الفاتحة ورحمة الله عليه. Et on l'avait expliqué et on l'a propagé. Walillahi alhamd, on l'a propagé ces deux l'explication de الفاتحة de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله أو des فوائد de Cheikh Al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab sur سورة الفاتحة. Et Cheikh Al-Fawzan il explique.